Ouais, une tisane. Alors là, je suis fort. Acoustique. Mr. Mike. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, putain, il est en grand là. Il y a DVD. Voilà, je laisse le rythme. C'est bon, oui. Thank you. J'arrive pas à les accords, merde. To be.